track. Dans la vie, faut faire des choix, faut pas compter sur les autres. Et j'aime pas le crier sur les toits quand dans ma tête est le désordre. Ma famille, mon business, mes potes qui m'ont pas lâché. Si je te vois, fais pas la chave. Si t'as parlé, tu t'es lâché. J'suis pas fâché, j'suis énervé. Combien de larmes j'ai versé. J'me suis fait flasher dans le merci. Black polonaise et merci. Oh maman mia, je vomis, j'ai trop piave la vodka. J'fais ma vie, j'ai ma famille. Je les vois pas trop, ça me bloque ça. J'ai le démon, j'ai le démon. Entre nous tout est cassé, gros y'a rien qui se répare. Moi j'préfère me taire et brasser. J'étais comme ça au départ. J'viens de vous, je fume et je bug des fois. J'regarde pas les sous, c'est comme ça que j'garde la foi. Y'a des gens sous écrou, des SDF tous les jours, des travailleurs, des voyous et des morts tous les mois. Je vends les îles, le bruit des vagues, le hamac. On connaît, n'en fais pas le mec. On sait que t'es qu'énorme.